vexé, faudra faire avec. J'suis dans l'avion, t'as raté la navette. J'fais des loopings, t'as fini de faire tiep. C'est pas confidentiel, c'est écrit dans le ciel. Nos vies n'ont rien de banal, demande à balle. La mauvaise ambiance est palpable. Il se pourrait qu'on pète un câble. J'me sens entouré d'incapables. Frère, à ceux qui suicident, et à ceux qui suscitent, et à ceux qui sucent vite pour un peu de liquide. Moi je veux de la weed. Et je veux qu'on me la stick, et je veux que ça aille vite, on soit rien de fantastique. On soit rien de fantastique. J'veux quitter ce froid polaire. Polaire. Gros bédo rempli de bonne air. Ok, s'il y a pas concert, moi je reste à la maison. Posé en dev dans le sofa. Ouais. Plongé dans mes songes, cherche qui a faux, qui a raison. Les saisons changent, chaque mois qui reste le même. Je devrais peut-être me poser les bonnes questions. C'est pas du business, c'est trop personnel. On va faire monter la pression. La dalle ressemble à un coffee shop. Fais pas le malin s'il te plaît. Mes cousins ont besoin d'antidote. Fais rouler la silverise. La substance est corrosive. La suite sera colossale. La peur qui te colle au sol. La weed qui te monte au crâne. Après tout c'est normal, on se fait désirer. Mais on a encore hâte, c'est décidé. On agira comme d'hab, ils ont dérivé. Allez esquiver, esquiver, ils se font des idées. Après tout c'est normal, on se fait désirer. Mais on a encore hâte, ils se font des idées. Après tout c'est normal, on se fait désirer. Mais on a encore hâte. T'as rien faire à part le son là-dedans, je ne suis plus du père. Non. Faut que la race, car si je suis blond, c'est que le Saiyan est devenu super. Fais le réveil, c'est dans le casson la tour. Ma belle avec toi, j'suis déjà au compte à bout. J'évite toutes sortes de conversations tabou. J'en plus chez moi, les problèmes sont partout. J'reste un sacré glandeur. J'compte pas bouger. Tout s'accélère, style de branleur. Tu peux pas me louper. Avec Masmala, on a charbonné, on a fait le plus dur, mec. Ouais. Si je sors, c'est pour le studio, les concerts, big grave beaucoup de merch. Ils se font des idées. Après tout c'est normal, on se fait désirer. Mais on a encore hâte, c'est décidé. On agira comme d'hab, ils ont dérivé. Allez esquiver, esquiver, ils se font des idées. Après tout c'est normal, on se fait désirer. Mais on a encore hâte, ils se font des idées. Après tout c'est normal, on se fait désirer. Mais on a encore hâte. J'ai pas le choix, j'ai des trucs à vous dire. Les plantes du mal m'aident à m'adoucir. On est très loin de tous vos raccourcis. Tout est codifié genre Kabuki. Pirate moderne du genre Shox le roux. Fume la drogue et je te dis elle est faite. Susano s'empare de mes faits et gestes. Tu peux tout me dire, ça reste entre nous. Entre nous y'a pas le time. Quand je vous parle ça me déprime. 102 Kuba Muay Thai. 32 gousses d'amnésie. J'entends mal les voix, comprends juste qu'elles chuchotent. J'entends ma descente, je vois que du noir c'est très sombre. Puis l'air se fait rare, je perds mes sens et je suis foque. Je rejoins ma smala, puis on RTL des ondes. J'ai pas fait d'études, mais je suis pas dans la merde. Faut faire de l'argent pour être bien dans la vie. J'écoute pas les démons qui parlent dans ma tête. Je dois rester poli, c'est ce que maman m'a dit. Je resterai là même si ça sent la verse. Seul sous les nuages, j'attends la pluie. J'ai pas pris 10 piges ni 6 balles dans la tête. J'ai vu des gars sombres traîner tard dans la nuit. Après tout, c'est normal. Mais on a encore hâte. On agira comme d'hab, ils ont dérivé. Allez esquiver, esquiver, ils se font des idées. Après tout c'est normal, on se fait désirer. Mais on a encore hâte.